Activité 39. Il est 13h11, le concours comme prévu, si j'ose dire, à Jonathan Little pour les bienveillantes. Christine Siméone, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct du restaurant Drouan pour France Inter et donc le prix annoncé a été rendu. Oui, je dirais que ça n'a pas fait un pli. Jonathan Little, les bienveillantes, couronné au premier tour avec 7 voix contre 10. Alors Little était effectivement le grand favori parce qu'il a suscité l'étonnement dans cette rentrée littéraire. Un homme de 40 ans à peine qui a œuvré dans l'humanitaire et qui a accompli un travail de titan pour parcourir au fil de la plume la vie de Max Haue, officier nazi depuis sa jeunesse jusqu'à ce qu'il quitte Berlin in extremis à la fin de la guerre. Beaucoup de choses ont été dites sur ce livre, sur ces bienveillantes, sur l'impossibilité de mettre le lecteur dans la peau du bourreau, sur les invraisemblances aussi. Historiens et romanciers ont donné leur avis. Claude Lanzmann, auteur de Shoah, s'est montré franchement réservé, alors que Georges Sempron, l'un des membres du Goncourt, justement, l'a farouchement défendu, considérant que ce livre fera référence pour les générations à venir. Ce livre qui se vend actuellement à 300 000 exemplaires, on peut dire qu'effectivement les Goncourt peut-être volent au secours d'une victoire, mais il leur a été visiblement très difficile d'ignorer le phénomène et en tout cas de s'en détacher. Alors c'est étonnant effectivement ce succès déjà pour un livre de 900 pages. Ceux qui vont l'acheter à nouveau et à cause en fait de ce prix Goncourt, Christine Siméone, vont s'attendre à quoi? Alors c'est l'histoire de Max Haue, donc je vous disais, un Allemand de langue française, élevé en partie en France, qui a fait ses études en France, très épris de culture française, proche des milieux d'extrême droite aussi. Une histoire familiale très complexe, c'est ce qui fait aussi que cet officier nazi n'est pas forcément le portrait type, et c'est qu'en fait, il est un criminel tout court, en plus d'être un criminel de guerre. Mais c'est vrai que son histoire nous plonge dans la banalité du mal. Il nous entraîne sur les fronts de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il s'agit d'exécuter les Juifs. Il nous fait pénétrer Auschwitz, par exemple, vu du côté des Allemands, ou bien dans la bureaucratie nazie à Berlin. Max Haue est un personnage cynique, bien sûr, mais il est vrai qu'au fil des 908 pages, même si elles sont longues à lire, eh bien, elles restent imprimées dans la mémoire du lecteur. Christine Siméone en direct du restaurant Drouan à Paris. Je précise que pour le Renaudot, c'est une surprise.